بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كنا دخلنا في المبحث الثاني وأخذنا أن الحالة التي فيها التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله 9 حالات. Et on a dit que parmi elles, sur ces 9 situations, 6 sur lesquelles il y a Ijma, c'est du Kufr Akba, c'est ça qu'on a prise, et 3 autres sur lesquelles il y a Niza, la divergence. C'est qu'on va prendre aujourd'hui, Bismillah. Al-Hala al-Sabi'a, al-Istibdal, al-Istibdal, qui est le remplacement. C'est à peu près le même sens que Tabdil en français. Pour la traduction, c'est à peu près la même traduction. En arabe, c'est différent. Stibdel, c'est Fimana Atalab. Yaqul, Mawal Stibdel, Suratuha, Nyakum Biri, Manzal Allah, Mujarradan, Anma Takaddam. Ça veut dire qu'il ne juge pas autre que le roi d'Allah sans être concerné par les situations précédentes qu'on a citées, les 6. Il apporte un jugement d'Allah Azza wa Jal. Il délaisse un jugement d'Allah pour en apporter un autre, de lui-même. Yaqul, bima'na annahu yubdi al-hukm Allah Ta'ala bi hukm ghayrihi wa la yakun mustahillan wa la jahidan wa la mukaththiba wa la mufaddila wa la musawiya wa la yansib al-hukm alladhi ja'a bihi li dinillah. C'est-à-dire qu'il ne juge pas autre que l'ordre d'Allah sans le rendre cela halal, sans refuser le jugement d'Allah Azza wa Jal, sans le démentir, sans préférer le jugement que lui a apporté à celui d'Allah, sans le rendre égal à celui d'Allah, et sans attribuer, affilier ce jugement qu'il a apporté à la religion. C'est que ça mène lui. Et ça, c'est le gharib wa hal al-hukam al-yawm. D'accord ? فيقول الإجماع على كفر أصغر. Ça c'est la méfiance mineure qui ne fait pas sortir de la religion. Et là-dessus, comme l'a rapporté l'auteur, il y a Ijma' chez Al-Sunnati wa Jama'a. Comme l'a rapporté Ibn Abdelbar, قال وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عدما به. Il a dit, les savants sont unanimes que celui qui aurait été injuste dans son jugement, cela est parmi les grands péchés pour celui qui aura fait cela délibérément en connaissance de cause. Donc c'est quoi la différence entre l'istibdal et tabdil ? نعم لا يدخل يعني لا يقول يعني هذا الحكم الذي تبديل الله وراجع هم يعني الله الى الى remplacer cette chose qui non la personne a remplacé le jugement et elle dit que c'est Allah qui a remplacé ça c'est le tabdil dit c'est même Allah ce jugement c'est istibdal لا يدخل في هو بنفسه أيوه. نتخيب بفصل الله الله نعم يقول وتتعلق بهذه الحالة 6 مسائل 6 questions sur le relais de 6 questions on peut toutes les lire on a certaines première mas'ala la différence comme on dit entre l'istibdal et tabdil d'accord la différence l'istibdal il change cela de lui-même et tabdil il change en disant que le changement qu'il a apporté vient de la religion. Donc le tabdil, lui, il a mécru. Et l'istibdal, lui, c'est le kufr asghar. Le masala thalitha min hadhihi al-masail, il dit, safha ba'da, man kaffara bil-istibdal lazimahu al-takfir bi-mujarrad tark al-hukm bima anzal Allah. لأنه لا يتصور أن يكون المرء حاكما وتاركا لحكم الله عز وجل ثم يجلس بين قومه من دون أن يحكم بشيء فأصبح حكم الاستبدال كحكم التارك تماما بلا فرق. Donc il a dit celui qui va rendre mécréant ce cas-là, des types d'elle, sera contraint alors de rendre mécréant quelqu'un qui même délaisse le jugement d'Allah sans apporter quelque chose de nouveau. Mujarrad de tark. Même s'il n'a pas apporté de nouveau, le fait qu'il aura délaissé le jugement d'Allah, ils seront obligés de dire qu'il est kafir celui-là aussi. Car il n'est pas possible que quelqu'un, d'accord, enlève un jugement sans remettre un autre à la place. Comme on l'a expliqué hier. Mathalan, il dit on ne coupe plus la main du voleur. On fait quoi? Le voleur, il sort, il va se balader, il fait du vélo. Il aura bien une punition. Cette punition, tu vas la prendre d'où? C'est pas celle d'Allah, ça va être celle de qui? Donc celui qui aura fait ce type d'aile, celui qui veut le rendre mécréant, celui-là, d'accord, il sera obligé de me rendre mécréant quelqu'un même qui n'aura pas juste le simple fait qu'il est délaissé en fait. C'est pas le changement en soi, c'est le fait d'avoir délaissé le hukm d'Allah. Et ça, la vraie cause, ce sera celle-là, normalement. Il sera contraint. Et cela a été réfuté par des adillah, comme le affaire de Abdullah ibn Shaqiq, comme il l'a dit parmi les sahaba, « Kana ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, la yarawna shayan min amal tarkuhu kufrun illa as-salah. » Que les sahaba, ils disaient qu'ils ne voyaient aucune œuvre, que le délaissement d'aucune œuvre était du kufr, parmi les œuvres des membres, sauf la salat. La seule chose délaissée en religion qui était pour les sahabas considérée comme étant du kufr, comme acte, la salat. Donc celui qui aura délaissé un jugement d'Allah Azza wa Jal n'aura pas mécréant. Donc on ne peut pas kafir le mustabdil. Même Tom? Summa taraman yastabdil bil aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum kafirun. Et ceux qui n'ont pas jugé parce qu'Allah a fait descendre sont ceux-là les mécréants. Donc la réponse c'est quoi? C'est le verset a été mal interprété et ne veut pas dire cela. يقول ان اهل السنه والجماعه اجمعوا على عدم الاخذ بهذا الظاهر بل نصب الاخذ الايه لظاهرها للخوارج والمعتزله. Donc les gens de la sunna sont unanimes quant au fait qu'on ne prend pas le verset dans son apparente et qu'il est venu là. Et ce tafsir selon l'apparent du verset, ça c'est le tafsir des khawarij et des mu'tazila. قال الاجري رحمه الله تعالى في الشريعه مما يتبع الحروريه من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فاذا راوا الامام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر فقد عدل بربه فهؤلاء الائمه مشركون فيخرجون ويفعلون ما رايت لانهم يتاولون هذه الايه. Donc les haruriya sont des khawarij. C'est lié à un lieu dans lequel ils vivaient. Ils ont pris les versets équivoques, le sens équivoque. D'accord? Comme ce verset-là. Et ils ont, donc il dit, la jurri, si jamais ils voient le gouverneur jugé par autre que la vérité, ils disent, il a mécru. Et celui qui a mécru, voyez, aurait été injuste envers son seigneur. Donc, ceux-là sont des mushrikoun. Et donc de là, les khawarij, je pense que vous savez, par rapport au gouverneur. Parce qu'ils ont interprété ce verset. Mais un ta'wil qui est mauvais, qui n'est pas bon. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد ضلت جماعه من اهل البدع من الخوارج والمعتزله في هذا الباب فاحتجوا بهذه الاثار ومثلها في تكفير المذنب والمذنبين واحتجوا من كتاب الله بايات ليست على ظاهرها مثل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في التمهيد. Donc il a dit ابن عبد البر que justement parmi les gens de la bid'a, un groupe s'est égaré parmi les Khawarij et les Mu'tazila. Pourquoi? Car ils sont servis de hadith et de ce verset-là, justement, pour pouvoir rendre mécréant celui qui aura commis un péché. Alors que le verset ne va pas dans le sens de l'apparent qu'il laisse. Et l'état du verset va venir. On le connaît déjà, on va le citer plus tard, Inch'Allah. Et Abu Hayyan al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, dans le Bahr al-Muhit, il dit واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. Donc il a dit que les khawarij, je sors de ce verset-là, pourront rendre mécréant toute personne qui aura désobéi. Car ils disent que ce verset est un texte clair par rapport à cela, que quiconque aura jugé par autre que l'ordre d'Allah est mécréant. Et celui qui aura commis un péché aura jugé par autre que ce que Allah fait descendre, donc il sera mécréant. Wa kada. Donc cela est faux. Donc celui qui sort de ce verset-là, on avait expliqué la dernière fois que ce n'est pas propre au gouverneur. Parmi les six kawaïd qu'on a pris au début, donc ce verset-là, le jugement d'Allah, il est valable dans plein de domaines. Ce n'est pas que la charia pour diriger un pays. En toute chose. D'accord? En toute chose. Donc celui qui va rendre mécréant le gouverneur, il sera obligé de rendre mécréant d'autres personnes également. Et peut-être même lui-même au final. Si vraiment il est équitable dans son jugement. Mais il ne l'est pas. Parmi les masaïls, il y a cette septième situation de Stibdel, qu'il dit qu'il y a certains ulama, et parmi les gens de Fadl, et c'est vrai, certains ulama disent que le Moustabdil, il est kafir lorsqu'il change tout. Toute loi d'Allah, il enlève, il dit ça, c'est du Kouf Akbar. Ils vont dire, si c'est un peu ou qu'ada, c'est pas du kouf. Si c'est tout, c'est du kouf. L'auteur a dit, il n'y a pas de dalil. Tout comme dans le mubaddil. Après, dans le mubaddil, on dit quoi, tabdil? S'il change seulement une chose, une loi seulement, en disant que ça vient d'Allah, il aura mécru. Donc, il en change une, ou cent, ou deux cents, yakfi. Eh bien, le mustabdil, kazalik, dans sens inverse. Même si il délaisse un jugement d'Allah, ou deux, ou tous, c'est pareil. Il n'y a pas de dalil qui dit, pourtant c'est du kufr et pourtant c'est pas du kufr. Il n'y a pas de dalil. Et tu verras des ulama qui disent cela, parmi les ulama de la salafia. Les ulama, ils le disent ça. Et ce qu'on l'a, eh bien, les mardoud, les pas acceptés, ils n'ont pas de dalil pour différencier. Car il dit, mathalen, c'est quoi la limite? S'ils changent, mathalen, ils estabdala, rub'aha. Ou nisfaha, ou thuluthayha. Il change son quart, il change la moitié, il change les deux tiers. Quand on sait, c'est quand la limite pour dire qu'il devient kafir. D'accord? Parce que t'en as disent tout. Et t'en as disent la plupart. Ils changent la plupart des lois. On dit, c'est quoi la limite pour dire à tel moment c'est du kouf? Il n'y a pas de dalil. D'accord? Bien sûr, comme l'auteur le dit, celui qui change, plus il change, plus son cas il est grave. Il a achèk. Mais pour dire qu'il a fait du kufr, ça faut un dalil. Car eux, là-bas, ces ulama-là, ils voient qu'avec le stibdel, c'est pas du kouf. Sauf s'il arrive à un grand nombre. D'accord? Et ce grand nombre-là, il n'y a pas de dalil. Quand tu dis délaisse, c'est renier ou c'est... Non, c'est pas juhoud. Il délaisse pour apporter une chose, autre chose, il remplace. Comme on l'a dit, par exemple, il délaisse l'amputation de la main du voleur pour la prison. Tout changement du mot d'Allah, ça implique un délaissement, de toute façon. Tu seras obligé de laisser le jugement d'Allah pour en apporter un autre. Ah non. Mais je l'ai pas lu en arabe, c'est là. Safha 26. Al-Masala Khamisa. Tout ça. Non. ثم يقول اختم هذا المبحث يعني cette septième situation page 28 en haut par une parole de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala قال في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال من امن بشريعه الله تبارك وتعالى وانها صالحه لكل زمان لكل مكان ولكنه لا يحكم فعلا بها إما كلا وإما بعضا أو جزءا فله نصيب من هذه الآية له نصيب من هذه الآية لكن هذا النصيب لا يصل به إلى أن يخرج من دائرة الإسلام في سلسلة الهدى والنور. Il a dit, l'imam l'Albani, rahmanahu ta'ala, par rapport à ce verset, ceux qui ne jugent pas à parler d'Allah, ce sont les salariés mécréants, il a dit, celui qui aura cru en cette charia, il sait qu'elle convient en toute époque et en tout lieu. Cependant, il ne juge pas par elle. Réellement. Soit il la délaisse dans sa totalité, ou soit partiellement. Il a dit, il a une part de ce verset. Et cette part, c'est quoi? Kufr, mais asrar. Cependant, cette part qu'il a ne le mène pas à l'exclure de la communauté. D'accord? Donc ça confirme bien ce qu'on vient de dire. Que ce soit tout ou un peu ou beaucoup, d'accord? Tant qu'il n'y en a pas dans les sit halat qu'on a cité hier, c'est juste un istibdal. Sans les autres choses, c'est pas du coup. Et là, ça réfute des kalems de l'Albani que j'ai vu qui se propagent. Ils disent que l'Albani dit que al-hakim alladhi yuta'u wa alladhi yahkum bil-kitab wa sunnah. Le gouverneur à qui on obéit seulement est celui qui juge par kitab wa sunnah. Il veut dire quoi par l'Albani? C'est-à-dire que le hakim muslim, lorsqu'il t'ordonne une chose qui coordonne au kitab wa sunnah, c'est là que tu l'obéis. Mais si tu t'ordonnes une chose qui est en contradiction, tu ne l'obéis pas. Est-ce que ça veut dire que tu dois sortir contre lui et que tu le rends mécréant? Là, ils ont pris le kalam comme ça. Pour dire que l'Albani dit que celui à qui on obéit est seulement celui qui juge par la charia. On dit oui, mais tu n'as pas compris ce qu'il veut dire par là. Toi, tu veux dire qu'Albani veut dire que seulement celui qui guide par la charia, seulement on l'obéit. Celui qui ne fait pas ça, on l'obéit pas. Genre, c'est pas notre hakim. On dit là. L'Albani, il a vécu où? En Syrie. À son époque, il jugeait par la charia. Là. Est-ce qu'il est sorti contre eux? Non. Ils ont dû mécréant? Non. Après, il est parti où? En Jordanie. En Jordanie. Ils l'ont interdit de faire des douros. Il n'est pas en train de douros. Il n'est pas le musulman du tout. Est-ce qu'il est jugé par la charia bilkulliya? Complètement? Non. Est-ce qu'il est sorti contre eux? Non. Il leur a obéi ou pas leur obéi? Il leur a pas obéi. Il leur a obéi. Ils ont rendu mécréant? Jamais. Tu vois? Donc, les gens, ils prennent un kalam, ils n'ont pas compris ce qu'il veut dire par là. Adab mbeb, la ta'at li makhlouk fi ma'sat li khaliq. C'est ça que ça veut dire. Comme il y a un frère de Abu Bakr al-Siddiq, il dit pareil. Ils auraient tenu au baddil, dans le sens où si je ne juge pas parce qu'Allah fait descendre ou je désobéis, vous pouvez me changer, me destituer. Alors, je sers de ça pour dire à Abu Bakr al-Siddiq, c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il dit, c'est pas Hukm Shadri. Et ça, c'est de lui-même. Il dit que moi, j'accepterai cela. D'accord? Bien qu'il ne l'a pas fait. Allah tawadu anna. Maintenant, ça veut dire que si autre que moi le fait, vous chantez contre lui, non. Il a dit, moi, si vous voyez de moi cela, alors vous pouvez me délaisser. Ce qu'il avait dit quoi lorsque Fatima, radiallahu anha, elle est venue chercher sa part d'héritage, qu'elle n'avait pas, parce que Nabi Salam, il n'y a pas d'héritage. Et de là, il y a eu un khilaf entre les deux, entre lui et elle. Il a dit, tu n'as pas de part d'héritage. Parce que l'anbiya, il laisserait un héritage, à part du ilm. Voilà. Fatima ne connaissait pas le nos. Ça a fait qu'elle n'a pas accepté ce que Abu Bakr l'a dit. Elle a vu la chose différemment. Et il a dit quoi, Abu Bakr? Inni arshal ou taraktu shay'an mimma kana 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an azir. J'ai peur que si jamais je gis autrement que ce qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que je ne dévie. Donc Abu Bakr Siddiq, c'était le meilleur des hommes après l'anbiya. Donc il était comme ça, bila shak. Mais aujourd'hui, notre époque, on n'aura pas d'Abu Bakr Siddiq. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas comme les gens qui étaient sous son gouvernat. Donc ce affaire de Abu Bakr Siddiq, in saha, c'est les véridiques, c'est pas une preuve. Je rappelle des gens, ils me disaient ça souvent avant.